Allez, je voulais démarrer sur une émission radio. Voilà, comme on est confiné, on peut pas aller à la radio non plus. Bah ouais, parce qu'on est beaucoup d'animateurs et puis c'est compliqué de faire des directs de chez soi parce qu'il faut du matériel, il faut quelqu'un en studio pour faire la réalisation, pour plein de choses. Donc bah voilà, je me suis dit je vais faire une émission en direct de chez moi. Hein, voilà, une petite émission radio, comme si on était à la radio. Je me suis dit, on va faire une émission comme si on était à la radio. Et on va prendre le... Allô ? Allô, allô, halte là, qui va là ? Salut Didier, tu vas bien ? Salut Francky, comment vas-tu ce matin ? Ouais, ensoleillé sur la région d'Orléans ? Ouais, je voulais faire un test. Est-ce que ceux qui nous regardent entendent bien Didier ? Vas-y, tu peux leur parler Didier. Voilà. Oui, je t'entends avec de l'écho ce matin. Ouais, c'est normal, il y a un peu d'écho. Ouais, ouais, ouais, écho, coco. Bah écoute, ça va le test, hein, soleil, fenêtre ouverte. On n'entend plus, on n'attend voilà. Plus que les notes de la musique. Un petit peu de radio ce matin alors. Ouais, ouais, voilà. Est-ce que vous entendez, Christelle, est-ce que tu entends bien Didier sur le réseau Facebook ? Est-ce que vous l'entendez bien Didier ? Voilà. Est-ce que je passe bien les amis ? Bonjour la famille Zinzin. Voilà, on t'entend, c'est ce que dit Popo Rodolphe. Salut mon Popo. Salut Rodolphe, salut monsieur Popo. Ouais, alors je voulais faire une émission en direct ce matin, voilà, sur mon live Facebook. On aura des invités, Didier Verchère. Tiens, tu seras le premier d'ailleurs. Je t'ai relié un lien parce qu'il y a quelqu'un qui fabrique des vidéos. Oui, j'ai vu, j'ai envoyé. Ouais, j'ai vu, je te remercie. Voilà. Je lui ai envoyé le lien du site, là, okay. Du Covid. Ok. Donc, je t'ai filé le lien et, j'ai vu ça. Pour me mettre en relation avec lui, vous venez de vous connecter sur Radio chez Francky. Christelle qui est là, voilà, salut Christelle, Séverine qui est là. Alors ce matin, mon Didier, on va parler insolite avec mon chroniqueur Fabien Dumas qui sera là. Alors Fabien, il a bossé en radio avec moi pendant un ou deux ans. D'accord. Et il va nous appeler. Alors j'ai timé les choses parce que comme j'ai qu'une ligne, il faut qu'on soit timé. Hein. Salut tout le monde, salut Fred, salut les gens en même temps, David qui est là, salut Karen. Alors Fabien va nous faire une insolite, une info insolite, drôle, ça sera vers 11h15, même deux peut-être. Ensuite on aura Stéphanie Bié qui a bossé à la radio avec moi. Stéphanie qui fera la météo. Ah, on a pris une fille pour la météo Didier. Elle va remplacer Evelyne Delia. Voilà, remplacer Evelyne Delia. Salut Valérie, je connecte en même temps les gens qui arrivent en même temps. Donc bougez pas, vous êtes bien en direct à la radio. Alors midi j'aurai un coach sportif qu'on connaît tous ici sur le réseau Facebook. C'est pas Nordinatab, non, c'est ce qu'on me dit. C'est Camillotti que j'avais fait du sport avec lui un matin avec la radio. Et il sera en direct avec nous à midi pour nous donner que 2-3 leçons, pour nous expliquer un peu le sport en confinement. Hein, voilà. Ok. Et puis, alors j'en ai une petite dernière. Il y a Laureline à 12h15 qui sera une manucure, qui nous donnera un rendez-vous à 14h pour faire de la manucure justement. Elle nous en parlera à 12h15 en direct à la radio. Voilà, c'est pas mal tout ça. 12h15 pour la manucure. Voilà, c'est ça. Tu notes tout en même temps. Hein. Ouais. Ouais. Voilà. Est-ce que t'aurais un coiffeur sous la main ? On va en trouver un coiffeur. Et puis on aura. Alors, je l'avais promis hier. J'avais dit, je vais essayer d'avoir. Tout le monde m'a demandé. Vous savez, je te le dis quand même. Rodrigo S qui chante Patrick Boel. Toi-même, tu m'as demandé qui c'était. Yes. Voilà. Eh bien, Rodrigo S a accepté mon invitation au téléphone. Il va nous appeler à 11h45. Voilà. 11h45, parfait, je note. Tu notes ça, alors, ouais. J'espère que tout le monde va être à peu près à l'heure parce que je pourrais pas répondre en double appel. Donc on va essayer de prendre les appels un par un. Donc 11h45, pour ceux qui me disaient ah putain j'adore cette version Rodrigo, hey je te le dis quand même, de Patrick Boel. Eh bien ouais. je l'ai appelé tout à l'heure. Il est ok pour nous parler un peu de lui rapidement en 3-4 minutes. De ce titre je te le dis quand même. Et puis de ce qu'il fait actuellement. C'est cool. C'est pas mal tout alors, ça Tu pourrais donner vite fait un timing, planning, que je renote tout là vite fait. Ouais, alors, 11h15, Fabien Dumas qui va nous faire des insolites en direct à la radio, insolites plutôt drôles. Ça, c'est mon ancien chroniqueur et je l'adore. 11h30, elle est là, elle est connectée déjà, c'est Stéphanie Bié qui est bossée à la radio avec moi aussi, qui faisait aussi des chroniques le matin. Elle nous fera la météo, une belle météo, j'espère, Stéphanie, voilà, en direct. Et puis, ouais. 11h45, il sera dans les studios de la radio au téléphone. C'est Rodrigo Ace, vous savez ce qu'a fait Patrick Boel, je te le dis quand même, tout le monde me dit j'adore ce titre, et bien il sera dans les studios. Midi, yes. Le sportif qu'on adore sur Facebook, c'est Camillotti, qui nous donnera quelques conseils pour bien faire du sport pendant le confinement, en direct, ça va être bien aussi. Yes. Ok. Ouais, c'est pas mal le programme quand même. Hein. Non, ah, j'ai... bah ouais. Ouais, ouais, j'ai bossé, hein. Je bosse un peu. Hein, tu ouais, vois, je vois ça, ouais. On ouais. dirait pas comme ça, mais je bosse, hein. Et puis, 12h15, Laureline. On va parler manucure avec Laureline. Rapidement, parce qu'elle fera un live justement. Elle a 14h sur sa page. D'accord. On est pas mal. Bah, un beau programme. Alors, entre, un bon petit programme. Entre tout ça, il y aura de la musique, bien sûr. Je vais faire une petite spéciale, comme il est invité aujourd'hui. Il m'a accepté mon invitation. Une spéciale Rodrigo Hayes, parce qu'il a fait plein de reprises, ouais. plein de titres. Donc, on sera une petite spéciale Rodrigo Hayes en direct à la radio. Et puis, vous qui venez de nous rejoindre aussi, vous pouvez nous appeler sur la ligne qui est là. Alors, ouais, j'ai fait une ligne, malheureusement. J'en profite pour être sur le direct, là, de donner les petits bonjours à quelques amis au passage. Voilà. Donc, Christian qui est à Nouméa, à Nouvelle-Calédonie. Ouais. J'ai Thierry qui est à l'île de la Réunion. J'ai Stéphane qui est de la Belgique. Ouais. Voilà, il y a les quatre coins de France aussi. Il y a pas mal de pays connectés qui m'envoient des petits messages. Et ben voilà. Donc on leur envoie toute l'énergie d'Orléans. Il y a Laurent Billard qui me dit on a du lourd au niveau du programme. Ouais, Laurent, bah t'as vu, je bosse un peu hein, malgré le confinement. Bonjour Marie Ribeiro. Alors restez connectés parce qu'il y a beaucoup d'invités aujourd'hui. On va essayer de tout gérer au téléphone. Ça va être super timé parce que bah, j'ai qu'une ligne. Voilà. Donc, qui c'est qui fait l'horoscope? C'est Stéphanie. Stéphanie Bier. Ah, l'horoscope, ça sera moi, pardon. Ça sera moi. Voilà, je vais glisser l'horoscope entre deux titres. Bon, je sais pas, je vais improviser l'horoscope. On verra. Hein. D'accord, ok. Il y aura l'horoscope de la journée. Ça sera fait par moi-même parce qu'au téléphone, c'est compliqué de faire un horoscope avec le réseau et tout. Voilà. Ok. Voilà. Bah, bon... pas de soutenir, c'est noté. Hein. Et bah, bon planning aujourd'hui, non? Ah, bah ouais, ça commence bien. Là. Par contre, j'avais une petite question. Demain, est-ce que tu es en émission ou pas? On est quel jour demain? Dimanche. Ah non, pas 11h. Non, demain, non. Je me repose le dimanche. Il y a que le dimanche où j'essaye de prendre un peu de temps pour moi. Ouais, non, mais t'as tout à fait raison. Voilà, les amis. Ok, bah écoute, hein, on va publier ça, on va le marquer et puis on va demander aux copains de venir. Voilà. Allez, on y va, mon Didier. Ah, allez, à toutes, c'est parti. Allez, l'émission qui démarre, les amis. Prends ton café du matin avec bonne humeur, Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil, vous êtes peut-être encore au café en ce moment. Eh bien, on vous souhaite une très très bonne journée sur Radio Francky chez lui. Vous pouvez nous appeler, le numéro est affiché ici sur mon écran. Je vous rappelle le programme de cette belle matinée. Alors, 11h15, Fabien Dumas sera notre invité pour les insolites, ça va être dans moins de 10 minutes. Stéphanie Bier à 11h30 pour la météo, une belle météo, j'espère pour vous de l'autre côté de la radio. Et puis 11h45, il sera notre invité dans les studios, au téléphone bien sûr, c'est Rodrigo Hayes. Tout le monde m'a dit, mais qui chante? Je te le dis quand même, la reprise de Patrick Bruel. Eh bien, c'est lui qui sera dans les studios de la radio au téléphone. C'est Rodrigo Hayes qui m'a promis de m'appeler depuis Paris. 12h, Camille Oti, le sportif incontournable de Facebook, sera avec nous pour nous donner quelques bons conseils justement sur le confinement et comment faire du sport chez soi. Voilà, donc restez bien connectés. Et 12h15, Laureline qui sera en direct pour nous parler manucure. Voilà, un beau programme sur la radio. Et puis là, on va commencer en musique tout doucement avec des reprises. Et puis on se retrouve dans moins de 5 minutes en direct sur radio. Salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut, salut Bon, si vous venez d'arriver de côté de la radio, on vous souhaite une très bonne matinée. La météo qui arrive dans moins de 30 minutes avec Stéphanie Bié. Et notre chroniqueur, info insolite au téléphone, bien sûr, Fabien Dumas. Et juste avant, il sera notre invité, on vous l'a dit, vers 11h moins le quart, si je me trompe pas. Eh, c'est Rodrigo S qui fait plein de reprises. C'est lui, ça? Il sera au téléphone avec nous à midi moins le quart. Por ti, no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Así. Rodrigo Ace, Ace. De todo corazón necesito feliz Navidad. Volviste este año como si nada y sigo mirándote. Dime, baby, dime si olvidaste que mi corazón te estuvo esperando. Soy un Noel, lo envolví, lo mandé con las tres palabras que conoces. Ahora sé lo bien tonto que fui y con un beso más no ganarás otra vez. Last Christmas te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. Te di mi amor y me lo devolviste el día después. Por ti no quiero sufrir, mejor lo regalo a otra. It's your boy, el latino francés, desde París para el mundo. Ondas positivas. C'est bon ça, il sera notre invité à 11h45, Rodrigo Hayes sur l'arc-en-ciel. Hepa, la familia! Prends ton café du matin avec bonne humeur, Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil, vous êtes peut-être encore au café ou alors carrément en train de prendre l'apéro parce que c'est bientôt midi. Eh bien, on vous souhaite une excellente matinée, fin de matinée déjà. Salut Roy qui est là, salut Vivine qui est connectée aussi, salut Joy. Il y a du monde aujourd'hui, merci d'être là en direct. Je vous rappelle le programme rapide. Donc 11h15, ça va être bientôt, c'est Fabien Dumas avec une chronique insolite. 11h30, Stéphanie Bié qui nous fera la météo en direct. 11h40, il sera avec nous au téléphone, c'est Rodrigo Ace. Plein de reprises, on l'a entendu avant, c'était Last Christmas, il a repris aussi Patrick Bruel, je te le dis quand même, et puis une nouvelle reprise qu'il est en train de faire, c'est un cover, on vous en parlera tout à l'heure. Salut Teddy, salut Fabien qui sera avec nous dans 5 minutes Fabien. 12h, Camille aussi, le sportif en direct avec nous. Ouais, il va nous donner quelques bonnes leçons de sport pour être chez soi, pour faire du sport et garder la forme. Et 12h15, Laureline Manucure qui sera aussi en direct avec nous pour nous donner de très bons conseils, la famille. Dans moins de 5 minutes, c'est Fabien Dumas qui arrive. Et puis du son latina, allez! Porque a mí, yeah. No te puedo decir sin contestar esa pregunta. ¿Qué es lo que quieres? ¿Qué necesidad es la que tienes? Para seducirme otra vez. Solo vete, me da ganas de viajar al pasado y desde atrás. Puebla para ser bajo la luna llena, sirena. Precisamente en Cartagena, déjame revivir, esto es un placer. Baila que la noche es tuya, que el ritmo influya. Ponle picante, que el amor fluya. Nos dimos cuenta que no había un final. Esto no tiene por qué terminar. Lo que sentimos, lo que hicimos. Más casualidad que nos viéramos en la misma disco. Aprovechemos que nos vimos. Lo que sentimos, lo que hicimos. Más casualidad que nos viéramos en la misma disco. Dale mami que nos fuimos. Para seducirme otra vez. Otra vez sur Radio Francky, en direct de chez lui, confiné comme vous d'ailleurs. Il sera au téléphone dans moins de 3 minutes avec nous, c'est Fabien Dumas. Prends ton café du matin avec bonne humeur, Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil, je vous chope au lever du lit là, peut-être vous venez juste de vous réveiller, bah bonne journée. Bon samedi, dans moins de 3 minutes, il sera au téléphone avec nous, c'est Fabien Dumas, chroniqueur avec une info insolite. Ouais, plein d'insolites. Et puis 11h30, ça sera Stéphanie Bié pour nous parler de la météo aujourd'hui, l'horoscope, je vous ferai aussi l'horoscope. 11h45 dans les studios de la radio, au téléphone, ça sera Rodrigo Ace. Ouais, ça c'est énorme, je te le dis quand même, la reprise de Bruel, c'est lui, et bien il va nous expliquer un peu tout ça, sa petite carrière qui continue, et heureusement d'ailleurs. Et puis coucou à Alexandra du Sud qui nous regarde, qui nous écoute, comme si on était à la radio. Sandy qui est là aussi, salut Sandy, j'espère que tu vas bien, Sandy, que ça va en pleine forme. Coucou à Esteban qui est connecté aussi, salut Esteban. Venez nous rejoindre en direct juste avant l'arrivée de Fabien Dumas dans moins d'une minute, qui va nous appeler sur Radio Arc-en-Ciel en direct. Ouais, je voulais faire la radio chez moi aujourd'hui. Alors Sandy, salut Sandy, salut Edouard. Vous êtes nombreux à vouloir faire du sport peut-être chez vous. Eh bien à 12h, Camille Oti nous donnera les bons renseignements, les bons conseils pour faire du sport à la maison. Et ça, ça va faire du bien. 12h15, ce sera la manucure. Et puis dans moins d'une minute, Fabien Dumas, notre chroniqueur, qui sera au téléphone avec nous pour nous parler d'infos insolites. Moins d'une minute. Salut Sébastien, salut José, merci d'être là, connecté. Salut Florent Amigo. Bonjour Florent, t'as vu, je fais de la radio à la maison maintenant, moi, en live. Eh ouais, la radio Francky en direct, avec des invités encore. Eh, c'est énorme quand même d'avoir des invités au téléphone. C'est quand même énorme. Salut José, j'espère que José va bien. Ouais, salut Hugues. Ah Hugues, il y a longtemps qu'on ne s'avait pas vu au téléphone. Bon, j'espère que vous allez bien, vous êtes en pleine forme. Ouais, moi je suis en pleine forme aussi. Et justement, je vous parlais de Rodrigo Ace qui sera à 11h45 dans les studios au téléphone avec nous, parce que dans les studios on pourra pas. Et bien voici un titre qu'il a fait avec Matt Houston, et on se retrouve après avec Fabien Dumas en direct. Et ben non, Fabien Dumas, on va le prendre maintenant, il vient de m'appeler. Allô Fabien. Oui, Francky. Salut Fabien Dumas, comment tu vas bien? Eh ben écoute, ça va très très bien, mon vieux Francky. Et toi? Ouais, parle plus fort dans le téléphone, comme dans les vieux. Voilà. Ouais, y'a pas de soucis, ouais, ouais. Ouais, monte ton téléphone, parle plus fort, Fabien. Voilà. Ok, ça marche. Bah, tu me donnes le top, hein. Vas-y, parle plus fort pour voir, un petit peu plus fort, et puis c'est bon. Ouais, c'est bon, là, tu m'entends bien, non? Voilà, on y va, Fabien. Est-ce que t'es prêt, mon ami, ou pas? Comment? Est-ce que tu es prêt, mon ami? Ouais, je suis prêt pour toi, bien sûr. Et ben, on le fait comme à l'ancienne, bouge pas. La chronique de Fabien. T'as vu, j'ai gardé les jingles, hein. Ouais, c'est bien. Fabien Dumas, comment il va? Comment il va bien aujourd'hui? Alors, dis-moi tout. Ouais, ça va? Bah écoute, ça va. Je suis en confinement comme beaucoup d'entre nous, hein. Bah ouais, malheureusement. Hein. Ouais, ouais, c'est ça. Ouais, mais bon, moi je continue de travailler parce que j'ai un travail qui nécessite d'être présent, donc. Ouais. Voilà, on s'est arrangé. On est là 2 jours par semaine au travail. 2 jours par semaine, ça va, c'est pas trop dur, quand même, non? Non, bah ça va, on prend des précautions, hein. Ouais, bien sûr, hein. Ouais, ouais. Alors, Fabien Dumas, une chronique insolite avec toi aujourd'hui, insolite rigolote, ouais, ça vient d'où? Ouais, alors là, j'ai deux petites histoires insolites, une qui va faire sourire, qui va faire choquer, une autre qui commence mal, mais qui termine bien, on va dire, hein. Ouais. Une française et une étrangère. Tu préfères qu'on commence par laquelle? Et la française, allez, vas-y, soyons chauvins. Et la française. Alors c'est comme on disait là juste avant, on est tous confinés en France là. Ouais, c'est vrai. Il y a un gars de Montpellier qui s'est lancé un défi. Ouais. Qui avait une toute petite maison. Ouais. Et qui s'est dit, je vais faire un marathon chez moi. D'accord. Donc un marathon, c'est 42 km, hein, je crois, et quelques. Mm-hmm. Donc lui, il s'est lancé le défi de faire le tour de sa terrasse. Ouais. 727 fois. 727 fois le tour de sa terrasse. 727 fois. Alors le mec, il l'a fait en 5h10. Ah ouais, carrément, ouais. Alors t'imagines un mec pendant 5 heures qui tourne en rond autour de sa terrasse. Et il a dû péter un câble, le mec, non? Non? Ça a été? Il a pété un câble, mais bon, c'était pour la bonne cause, parce que comme il était suivi sur les réseaux, ouais, il a récolté avec les internautes à peu près 2700 euros, ouais, ce qui a permis d'acheter des masques. Ah ouais, donc c'est bien. Pour les donner. En fait, il a fait ça, voilà, pour la bonne cause, quoi, hein, ouais. Voilà, ouais, c'est pour la bonne cause, voilà. Eh ben, c'est impeccable, mon Fabien Dumas. En tout cas, bravo. Pour garder un peu la forme. Bravo à ce monsieur. Deuxième insolite qui nous vient de l'étranger, Fabien Dumas. L'étranger, ça se passe en Lituanie. Ah, Lituanie, quel beau pays, j'adore. Ouais, c'est un beau pays. J'y vais tous les étés. Alors là, comment? J'y vais tous les étés. Ah ben oui, t'as raison, ouais. Il fait beau là, les villes sont belles, les trottoirs sont beaux, les plages sont belles. Ouais, c'est vrai, ouais. Alors là, en Lituanie, il y a la police qui est intervenue au domicile d'un couple. Ouais. Parce que figure-toi que la femme de ce couple était enfermée dans la salle de bain. Non. Son mari avait un peu pété les câbles avec ses enfants, il l'avait enfermée dans la salle de bain. Ah ouais, carrément, ouais. Parce qu'elle avait dit qu'elle avait discuté avec une personne qui revenait de l'étranger. Ouais. Et donc là, le mari a eu la trouille, il a eu peur, ouais. Il a eu peur qu'elle soit contaminée, donc il l'a enfermée dans la salle de bain. Oh, les boules. Ouais, alors, bon, heureusement, voilà. Donc la police a fini par la libérer, et l'histoire termine bien, parce que tout le monde va bien. Puis la Lituanie, elle est très très peu touchée, je crois qu'il y a un cas de coronavirus là-bas, c'est tout. Hein. Ah ouais, donc c'est bien là-haut, on est tranquille, on est peinard, on va tous aller en Lituanie alors, on va débarquer là-haut. Et on peut débarquer là-bas, mais ouais. Bon, faut pas oublier de se laver les mains. Ouais, les pieds aussi, faut se laver. Oubliez pas, si vous lavez les mains, lavez-vous les pieds aussi. Hein. Les pieds aussi, ça ouais. Ça peut servir. Il y en a qui n'ont pas encore des pieds, hein. Ouais, il y en a encore, ça existe encore. Ouais, j'entendais dire aussi que pendant le confinement, les gens se lavaient un peu moins les dents. Ah ouais, les Kens, hein, faut vous laver les Kens, les gars. Hein. Et les filles aussi ouais. Lavez-vous les dents tous les jours, hein, trois fois par. Et vous avez le temps en plus, hein, trois fois par jour, on a le temps. Hein, oh, bon, alors on peut le faire plus que ça, mais. Voilà, ouais. 10 fois par jour. Et moi, je me les lave, franchement, je suis pas un mytho. Au moins 5-6 fois par jour, je te jure. Et ben, nickel. Voilà. Alors les pieds, c'est pareil. Bon, là, au milieu, pareil. Hein. Bah, on prend des douches comme tout. Et prenez des douches aussi, hein, oubliez pas. Hein. Ouais, bah il faut. Systématiquement, moi, quand je vais au boulot, je lave mes affaires et je prends une douche. Hein. Ouais, bah moi, c'est pareil. Et Fabien Dumas, tous les samedis, c'est la petite chronique comme ça, hein? Ah bah écoute, ouais, alors moi, samedi... Non, pas samedi prochain, parce que je travaillerai. Ouais. Mais après, donc, on sera peut-être sorti, j'espère. Ah bah, j'espère, ouais. Ouais, j'espère, mon Fabien. En tout cas, ça me fait vraiment plaisir que tu aies consacré quelques minutes aux auditeurs là de la radio Francky en direct. Merci. Ben, ouais. Ouais, toujours bon chroniqueur, mon Fabien Dumas. Ouais, ouais. Super. Eh ben, merci à toi, Francky. Ouais. Et puis la bise à Stéphanie qui va arriver dans 10 minutes. Dans 10 minutes, Stéphanie Billet pour la météo. Merci, Fabien Dumas. Eh bien, t'es Francky, bonjour à tout le monde et bon week-end à tous. Merci Fabien Dumas en direct, et puis 11h30 on aura Stéphanie Bier qui va nous appeler pour la météo. Et puis je vous le disais, 11h45 il sera notre invité au téléphone. Vous l'avez reconnu, la prise de Bruel, dans les studios de la radio, au téléphone avec moi, Rodrigo S, mon pote, en direct à 11h45. Que lo mejor te va, que tenemos que ser sonreír o llorar. Hey, I love you guys, que te comme ça, comme dès qu'on vend le café d'en bas. On est tous les deux mauvais. On s'est moqué tellement de fois des gens qui faisaient ça. Merci. pour tout le mal qu'on sait bâtir. Certains rigolent déjà. Je m'en fous, je les aimais pas. On avait l'air trop bien, y'en a qui supportent pas. Mais je trouve pas de fin à notre histoire. Madame et souhait l'amour original. Je sais bien que je l'ai trop dit. Aunque no esté bien. Ratez pas le rendez-vous, 11h45 au téléphone avec nous. Prends ton café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil, vous êtes peut-être encore au café, ou alors à l'apéro, ou alors en train de préparer le repas pour midi. Fabien Dumas qui nous a fait une chronique insolite, ça sera tous les samedis de la radio comme ça en direct. Et ça fait plaisir, salut Noël qui est là. Vous aussi, vous pouvez nous appeler, hein, le numéro est là. Tiens Seb, toi qui as été hospitalisé, si tu veux témoigner, le numéro il est là, vous nous appelez. 11h30, Stéphanie Biais, la météo en direct sur la radio Francky, en direct de chez lui. Bonjour à Stéphane aussi qui est là, salut mon Stéphane, j'espère que tu vas bien. Bah ouais, tout le monde va bien à la maison, moi aussi, merci mon ami. Et puis, je vous le dis, 11h45, notre invité, Rodrigo Hayes. Et puis 12h, Camille Oti, le sportif de Facebook, sera avec nous pour nous expliquer un petit peu comment faire du sport dans le confinement. Ah, salut Dominique Leguet, salut Espoir 21. Si tu veux passer un message, Dominique, le numéro il est là. Avant 11h30, faut appeler parce qu'après j'ai la météo qui arrive. Donc si tu veux le faire, c'est maintenant, Dominique. 12h donc, Camille Oti, sportif en lame et gros sportif, sera avec nous pour nous donner quelques conseils pour faire du sport en confinement. Et puis 12h15, Laureline, manucure aussi, qui sera là pour nous expliquer un petit peu ce qu'elle va le faire à 14h. Elle fera un live manucure à 14h. Ça va être énorme. Salut la famille, Rodrigo Hayes. C'est dans moins de 25 minutes. Et puis dans 5-6 minutes, la météo. Et juste avant, là, une spéciale Rodrigo Hayes qui fait plein de reprises. Et voici Chiquita de Rodrigo Hayes, Latina. Chiquita, Chiquita, Chiquita, Chiquita. Pelo negro, Nikita. Loquita, aquí está, chiquita, chiquita, su mirada mata chiquita, pelo negro niquita, tan bonita, aquí está, chiquita, chiquita. Pasó a mi lado exploté, pensando en su cuerpo, ayer yo me acosté, la miro en los ojos tomando mi cóctel, ayer la vi en el bailando son de Yandel, este modelo muy glam, yo la busqué en Facebook, Snapchat, en Instagram, yo le quiero hablar de si le puso madame. Le voy a escuchar mejor te meto en la cama. Me ahogo en sus ojos por ella. Pierdo la cabeza. Me ahogo en sus ojos por ella. Pierdo la cabeza. Tu mirada mata chiquita. Pelo negro. ¡El llama! ¡Tan loquita! Emisión radio aujourd'hui. Tous les samedis, c'est la emisión radio. Tu mirada mata chiquita. En 5 minutes, c'est la météo avec Stéphanie Guillet. Pelo negro niquita. Tan bonita. Aquí está. Chiquita, chiquita. ¿Dónde estabas, girl? No te imaginaba así tan sensual. Tal vez intelectual. Tú me descontrolas como un animal. Yo me quedo en su cuerpo fatal. Tengo miedo de ponerme sentimental. Se pone hermosa, se hizo la sola. Si tal como el lobo contemplo su luna. Ella me gusta, es dulce y simple. No se necesita, búscala en Lambo. Cuando estoy feo, me encuentra guapo. Si me escapas, te sigo, yo la sigo, me cego. Tú mira la matachi. Negro, Nikita, tan bonita, aquí está, chiquita, chiquita, su mirada mata, dansant, la reprise de Jules par Rodrigo Reyes. Heureux d'être avec vous la famille. On est là jusqu'à 12h30 avec des invités. Dans moins de 5 minutes, c'est la météo. Eh ouais, la famille, j'espère que vous allez bien. Salut Stéphanie, salut Edouard, salut Fred. Allez la famille. Prends ton café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil. Eh ouais, c'est Francky au réveil. Parce que là, je vous chope au réveil. Ouais, bande de feignants, vous venez de vous réveiller. Salut Djerba, il est quelle heure à Djerba? Je vous envoie le plein de soleil de Djerba la douce. Salut mon Djerba, j'espère que tu vas bien. Big up, Karl. Salut Isabelle. Voilà, dans moins de 3 minutes, c'est la météo avec Stéphanie Bier qui sera au téléphone avec nous. Et puis, je vous le disais, midi, le coach Camille Oti au téléphone. Pour des bons conseils pour le sport à la maison. Ça, ça fait du bien. Et 11h45, El Rodrigo, hey, c'est Latina. Et juste avant Stéphanie, bien, allez, c'est sur Latina. Rodrigo S, une spéciale avec Matthew Stone. Eres mi anhelo, mujer. Mi fuego te va a encender. Como un volcán en tu piel, mi esfuerzo se va a atreverte. Bon appétit, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon écart, bon Tu nous fascines, oh jolie fille. Tú me vacilas como un mazo de tequila. Dejo en tu pupila que tú tienes la costumbre de estar en primera fila. Sabes que soy toxina, mejor que una aspirina. Ven conmigo una noche en la piscina. Oh, tanto me fascina. A ver si me adivinas. Oh, vamos pa' la esquina. Esta noche vas a ser mía. Rumba hasta el amanecer. Todo lo que te puedo ofrecer. Una noche llena de placer. Y no te sorprendas si tú me vacilas. Oh la la la. Tú me fascinas. Houston avec Rodrigo Hayes. Yep, par la famille, tout me facilitas. Heureux d'être avec vous, la météo qui arrive dans moins de 3 minutes. Eh ouais! Prends ton café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil. Salut Karl, 23 degrés à Djerba. Ouais, c'est énorme. Ah, c'est bon ça, qu'est-ce que j'aimerais être à Djerba en ce moment, franchement. Et puis on va prendre sûrement la météo avec Stéphanie Bier. Bonjour Stéphanie! Salut Francky! Comment elle va bien, ma Stéphanie? Bah écoute, très bien, très bien, parfait. Bien avec toi tous les matins pour faire de la rééducation, je suis au taquet. Voilà, bien confinée, Stéphanie? Impec. Eh ben c'est bien bon. Bien confinée et voilà, confinée chez maman parce que voilà. Ah ouais, ouais. Mais ouais. Parfait. D'accord, mon ami, bah ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone. La météo, est-ce que tu es prête, Stéphanie Bier? Ah, je suis tout à fait prête. Eh ben bouge tout pas parce qu'on fait comme à la radio, hein, j'ai le jingle. Allez, on y va. La météo. La météo avec Stéphanie Bier. Bonjour Stéphanie. Salut. Alors, quel temps? Et merci la Tunisie parce qu'en fait ils nous ont envoyé le beau temps, je crois, en fait. Ça marche très très bien la Tunisie. Ouais, hein. Alors quel temps va-t-il faire dans la région, Stéphanie? Eh ben, écoute, aujourd'hui on attend au meilleur de la journée aux alentours de 17h, ça sera 17 degrés. Et ouais. Demain on va monter à la même heure jusqu'à 21 degrés. On aura un soleil radieux, ah ouais. Évidemment. Et puis ça va se dégrader un tout petit peu lundi, mardi, et ça revient en force mercredi. Et a priori, une légère dégradation pour vendredi, samedi prochain. Ouais. Mais par contre, pour le dimanche de Pâques, il y aura du soleil. Ouais, voilà. Mais, bon, du soleil, mais... Et on peut parler de la qualité de l'air, parce que je sais pas si vous avez remarqué, ouais. Mais à la télévision, ouais. Il n'y a plus de qualité de l'air. Mais en fait, bah, vous le sentez bien, vous respirez, la qualité de l'air, elle est parfaite. Ouais, c'est vrai, ça a augmenté, hein, c'est bien, tant mieux. Hein, ouais. On respire mieux. C'est C'est les points positifs. Il faut essayer de prendre le positif dans cette situation et voilà. Voilà. Donc la qualité de l'air, c'est sympa pour tout le monde quand même. En tout cas, belle météo. Et moi, je voulais juste rajouter, il va faire beau pour le week-end de Pâques. Et surtout, restez chez vous, c'est important. Hein. Ah ouais, profitez pas pour aller vous baigner ou aller... C'est ça, Stéphanie. Hein. Ouvrez les fenêtres. Voilà. Ouvrez les fenêtres, prenez l'air. Voilà, ouvrez les fenêtres, prenez l'air et puis restez pas trop confinés non plus. Hein. Ceux qui ont la chance d'avoir des jardins, eh bien aujourd'hui c'est le bon moment pour planter les courgettes par exemple. Voilà, bah une bonne courgette pour midi, tiens. Hein. Eh, Stéphanie, merci de ta bonne humeur. Quelle belle voix à la radio. Eh ben, avec plaisir. Et puis voilà, je reviens samedi prochain, il y a pas de souci, ça sera nickel. Si tu veux, j'ai des petits conseils aussi pour préserver son système immunitaire, des choses comme ça. Pas de problème, Stéphanie, tu nous prépares tout ça, hein. Ça roule. Des bisous, Stéphanie. Moi aussi, je t'embrasse fort et je vous embrasse fort. Et puis bah merci à toi pour la bonne humeur tous les matins. Et voilà, qu'on est tous ensemble, on fait l'effort et c'est parfait. Bisous, ma chérie. Bisous, bisous. Allez, on prend un nouvel appel. Je sais pas qui c'est qui m'appelle. Allô ? Qui va la stopper ? Allô ? C'est qui ? Allô ? Ah, je sais pas, on entend super loin. Hein. Non, je sais pas qui c'est. Bon, c'est pas grave, Rodrigo S qui sera notre invité. Ça, c'est lui aussi, une reprise. 11h45 dans les studios, au téléphone avec nous. Tengas temor, te voy a hacer feliz. Nunca sospeché que tú pudieras ser para mí. Cuando éramos nene me enamoré, sin saber qué, por qué. Esta vez no me dejé. Cariño, ven, dámelo, dame tu corazón. En tus ojos diré, baby, ya. Vamos a bailar en la oscuridad, descalzos en la arena, escuchando nuestra canción. Cuando tú te dices fea, luego sonríe porque tú no sabes lo perfecta que tú. Tan linda amazona, más fuerte que cualquier ser humano. Compartimos sueños, luego compartiremos techo. Es un amor que vale más que mil tesoros. Y algún día tendremos hijos, los dos. Seguimos niños enamorados, luchando por nuestro amor. Sé que esta vez vamos a estar bien. Cariño, acércate, mi mujer, en ese futuro me entregué. Vamos a bailar en la oscuridad, descalzos en la arena. Tengo fe en lo que veo. Sé que yo tengo un ángel a mi lado. Y es perfecto, no lo me... Superbe reprise, Rodrigo S. Il devrait être avec nos téléphones dans moins de 10 minutes. Je te le dis quand même, la reprise, et puis là, c'est le cover de Perfect. En direct avec vous, la radio, c'est Francky, on prend patte. Allô, qui va là, je te prie. Allô, qui va là, je te prie. Oui, Francky. Bonjour Pat, Patrick de Compostelle 45. Tout à fait, tu vas bien? Et toi, comment tu vas? Eh ben écoute, ma foi, on fait avec, hein. Bah ouais, hein, il faut faire avec, voilà, le confinement se passe bien, qu'on passe le 45. Eh ben oui, on attend, on prépare son sac pour partir dès qu'on pourra. Eh ouais, ouais, toi t'es parti quand? Tu pars quand là pour Compostelle? Ah, je devais partir au mois de juin, mais là ça repousse en septembre. Ah ouais, ouais, donc dur, mon ami. Hein. Un message à faire passer peut-être, Pat? Non, c'était de dire bonjour à tout le monde et c'était que tout le monde m'encourage. Bah c'est mignon, mon ami. C'est mignon. Voilà, tout simplement. Bon, on vous rappelle qu'à 11h45, qui sera au téléphone avec nous, c'est Rodrigo Hayes, le chanteur avec plein de reprises qu'on adore. Et on devrait l'avoir dans moins de 5 minutes au téléphone. Salut Noël, les gens en même temps, excuse-moi Pat, hein, sur le réseau là. Et puis midi, le sportif que tout le monde connaît, c'est Camille Oti. Ouais, il va nous donner des leçons pour bien rester en forme pendant le confinement, ça va nous faire plaisir. Et puis midi 15, Laureline, par les manucures. Merci Patrick d'être avec nous aujourd'hui. Allez, à bientôt. Bisous mon ami. Allez, on vous souhaite une belle matinée. Venez nous rejoindre en direct. Salut Noël, salut Séverine. Dans quelques minutes au téléphone avec nous, une spéciale Rodrigo Hayes ce matin. Ça, c'est encore lui, c'est une reprise. Las malas nubes se marcharon por fin. Yo no quise escribir tu canción porque quiero que nadie pueda pensar que tú me importas. Tú sigues. J'ai dit je coupe l'antenne et j'ai un appel. Allô, qui va là, je te prie? C'est qui? Allô. Oui, c'est qui? Bonjour. Allô. Allô. Allô. Oui, c'est qui? Bonjour. C'est... je suis pas avec Francky, là. Si, c'est Francky, bonjour, c'est son numéro de radio, là. Non, mais il est en direct à la radio, là. Oui, c'est ça, c'est Francky, là. Bonjour, Dominique. Salut, mon grand. Ah, Dominique d'Espoir 21, je veux des cœurs pour Espoir 21, les amis, là, en direct. Ça va, Dominique? Ça va, ça va. Dominique Leguet, Espoir 21, avec les enfants. Comment vont les enfants, Dominique? Eh ben attends, je te les passe. Ouais, passe-moi. Eh, hey, big up là pour les enfants d'Espoir 21, je veux des cœurs, s'il vous plaît. Bonjour, c'est qui? C'est moi. C'est ça qui va? C'est qui toi? C'est Clémence Luguet. Ça va Clémence? Oh Clémence, ma Clémence, ça va ma chérie? Ça me fait plaisir. Oui, ça va. Ah, ça me fait plaisir de t'avoir au téléphone, ma Clémence. C'est Clémence. C'est moi. Clémence. Ouais, Clémence, j'ai reconnu. Ça va ma chérie? Ouais. Allez, vas-y, parle. Ça va, Francky? Ouais, ça va, Francky va bien. Et vous allez bien? Oui. Bon, vous faites quoi en ce moment? Il est en direct à la radio, là. Tu fais quoi? Tu fais quoi de tes journées, salut, Clémence? Salut, Francky. Ouais, bisous, ma Clémence. Ah, Dominique, ça me fait vraiment chaud au cœur que tu me passes les cœurs. Il t'écoute et il te regarde. Ah, salut les enfants, ça va? Eh, faites des cœurs pour les enfants de Sport 21. Ça va. Plein de cœurs pour Sport 21, là. Plein de cœurs. Ça fait plaisir, Dominique, de t'avoir au téléphone. Oh. Oh, je dis que virus. Ouais. Virus. Il y a le virus, oui, mais ouais, ça va. Ouais, il y a le virus. Ça va. Ouais, ça va, mais ça va. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime, ma chérie. Ah, tu vas me faire pleurer, arrête. Ouais. Bisous, ma Clémence. Oui, ça va. Je t'aime. Moi aussi, je t'aime. Plein de gros bisous. Oui, hey. Ça va, oui. Ça fait chaud au cœur, quand même. Ouais, ouais. Bisous, ma chérie. Fais attention à toi, hein. D'accord? Ouais. Bisous, passe-moi papa, tu repasses papa? Aujourd'hui je vais faire le dessin pour toi. Ouais. Après je vais faire le tablette. Ouais. En fait je vais le vélo. Ah bah c'est bien, vous travaillez bien alors. Oui, bisous. Après je vais marcher le jardin. Ouais, le jardin. Allez. Aussi, bah ouais, faut faire le jardin aussi un petit peu. Oui. Ouais. Allez. Allez, bon bisous. Courage et merci pour tout. Merci Dominique, bisous aux enfants. On vous aime. Eh, ça fait du bien d'avoir Espoir 21 au téléphone, hein. Ouais. Rodrigo S, dans quelques minutes. No pienses qu'algún día yo pueda volver. Las malas nubes se marcharon por fin. Yo no quise escribir tu canción porque quiero que nadie pueda pensar que tú me importas. Tú sigues colgada. Y ahora soy tu obsesión. Yo no pienso que tú seas una chica buena. Quiero que lo sepas. Mi mamá te odia y ama a todo el mundo. Me cuesta admitir que he cometido un error. siento, hoy no siento el rencor ni el dolor. Me siento mejor, siento mal. Y si te gusta tanto tu defecto, entonces ándate y quiérete a ti. Si piensas que me... Allez, bougez pas, Rodrigo, qui nous appelle dans moins de 5 minutes. Entonces ándate y quiérete a ti. My one solution is my queen, cause she stays strong. Ella se suelta, en verdad tiene ganas de bailar. No le importa que la mire, está loca conmigo. La miro sin parar, ya no puedo disimular. Tiene todo lo que a mí me gusta, esa cara, ese pelo me tiene mal. Y yo no quiero irme sin llevármela, sin importarme lo que piensen o lo que dirán. You got me, nadie como tú lo has, I want you, nobody can move it like you do it. Quelle bonne reprise, Rodrigo S, qu'on aura au téléphone dans quelques minutes, la famille en direct. Ça me fait plaisir de vous retrouver. Allez! Prends ton café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil, jusqu'à midi et demi. On parlera sport à midi en direct avec Camille Yoti. Et puis manucure à midi 15 avec Laureline. Heureux d'être avec vous. Salut Rome qui est là. Salut Caroline. Salut Caroline. Il y a beaucoup de Caroline aujourd'hui. Donc ça me fait vraiment, vraiment plaisir. Et puis du son avant d'accueillir Rodrigo Hayes en quelques minutes au téléphone. Eh ouais, Gims qui arrive. La reprise de Self Control sur la radio. Un couple antenne, Rodrigo Ascarel. Allô, qui va là, je te prie. Bonjour Rodrigo Ace. Yé Francky, comment ça va? Ah, ça me fait plaisir. Alors, je te le dis tout de suite, t'es en direct sur mon live Facebook de radio. Bonjour. Ouais. Tout le monde te regarde aujourd'hui. Voilà, ça me fait vraiment plaisir que tu aies accepté l'appel au téléphone. Comment? Bah, écoute, c'est avec plaisir. Bonjour tout le monde. Bonjour, bonjour, bonjour Rodrigo. Alors, comment? Depuis mon début de live, depuis 15 jours, je joue régulièrement des titres à toi. Et puis alors les gens sont tombés un peu amoureux, on va dire. Et on me dit, ah, mais c'est qui? Donc j'ai balancé le nom, les titres, etc. Et depuis on m'harcèle un petit peu, hein, en me disant, ah, il vient, appelle-le. Je vais essayer, j'ai dit, voilà. Donc je suis heureux que tu nous aies au téléphone aujourd'hui, Rodrigo Hayes. Bah écoute, c'est avec plaisir, hein, tu sais que je suis... en tout cas, j'apprécie toujours votre soutien. Et, ouais. Et puis voilà, en ces temps compliqués... Ouais. Il faut répondre des bonnes vibes. C'est ça. Alors j'ai un message d'une auditrice qui me dit comment t'es venu l'idée de reprendre Patrick Bruel. Je te le dis quand même parce que c'est une version qui est énorme et je la kiffe, je l'écoute en boucle chez moi. Alors explique-nous un peu ce titre. C'était quoi l'idée? Alors l'idée en fait à la base, ouais. Un jour chez une soirée entre amis, je suis tombé sur chez des potes, je suis tombé sur une face B d'un vinyle de Patrick Bruel. Ouais. Et j'ai découvert que Patrick Bruel avait fait une version espagnole de Je te le dis quand même. Ah quand même, ouais. Et c'est pas moi qui ai écrit la version espagnole, c'est lui qui l'avait fait et j'ai vraiment kiffé. Et puis de fil en aiguille, je cherchais, tu sais, la bachata en fait, les balades. Ouais. C'est ton kiff ça. Hein. Moi j'aime beaucoup et puis c'est souvent le tempo, le même tempo que les balades que tu doubles en fait. D'accord. Et du coup, je trouvais que ça matchait super. Donc voilà, c'était une idée que j'avais eue avec mon pro Titoff à l'époque. Ouais, d'accord. Une belle histoire et j'ai eu pas mal de retours là depuis le début de la semaine parce que je l'ai joué 2-3 fois cette semaine. Ouais. Comme Last Christmas aussi, la reprise de George Michael Wham à l'époque. Les gens kiffent ces reprises. Last Christmas, l'idée t'est venue comment? C'était un jour de Noël. Last Christmas, je crois que c'est pour la petite histoire, c'est mon femme qui m'a donné l'idée. En fait, elle adore cette chanson et du coup, elle a écouté. Je crois qu'elle écoutait, elle passait à la radio à cette époque-là. Elle me disait, ce serait bien que tu fasses une version. Et je crois que c'est seulement le Noël d'après que j'ai fait l'idée. Ouais. Et quelques jours après. George Michael est décédé. Moi, je suis un fan de George Michael. J'aime beaucoup. Ouais. J'aime beaucoup ses chansons. J'aime beaucoup sa voix. Il y a Karl Adjarba, qui regarde Adjarba. Il dit, j'adore tes musiques. Voilà. C'est ce que nous dit. Super musique. J'écoute beaucoup. C'est ce que dit Karl. Il est Adjarba. Il fait 23 degrés. Il me dit. Voilà. Oh là là, la chance. Ah, la chance. Toi, t'es à Paris, là? T'es à Paris, Rodrigo? Non, moi, j'habite en banlieue proche, ouais. D'accord, ok. Alors, le cover qui est arrivé sur YouTube, qu'on a pu découvrir, que j'ai découvert aussi avec plein d'auditeurs, il s'appelle Baby I Love You Way. C'est une reprise des années 80, 90, je crois, non, c'est ça? Alors, à la base, le titre, ouais, est une reprise d'une reprise, en fait. Ouais, c'est des reprises. La chanson, ouais, c'est exactement. La chanson, c'est une chanson de Peter Frampton. Ouais. Je crois qu'il est des années 70, si je dis pas de bêtises, ou même peut-être avant. Il y a eu beaucoup de reprises là-dessus, hein. Ouais. Ouais, ouais, énormément. Et je me rappellerai toujours, après moi, c'est ma génération, mais ouais, je sais plus, je crois que c'était dans les années 94 ou 95, j'étais petit, hein. Ouais. Mais j'écoutais la radio en Espagne. Ouais. Et j'étais tombé sur une version de Baby I Love You, Baby Te Quiero A Ti. Ouais. Du groupe Big Mountain, qui est un groupe de reggae. Reggae, ouais. Américain. Ouais. Qui avait sorti, je crois que c'était la VO d'un film romantique, et il avait sorti une version aussi en espagnol qui avait cartonné en Espagne. Ouais. Et du coup, je m'étais toujours dit, il faudra que je fasse une version de ça et. Et j'ai profité du confinement pour la finaliser, voilà. J'ai un message. Merci beaucoup, Rodrigo Ace. Continue de nous donner, je vois mal de loin, du bonheur. Merci avec plusieurs i. Voilà, Rodrigo. Ah, c'est gentil. Merci beaucoup. Est-ce que ça fait chaud au cœur d'avoir des gens comme ça qui te soutiennent pendant le confinement? Ah, c'est sûr. C'est sûr. D'accord. Et puis, faut qu'on, je sais qu'on est, c'est pas évident ce qui se passe. On est tous enfermés, dans l'idéal, il faut vraiment tous qu'on, ceux qui peuvent rester à la maison, ils restent à la maison. Ouais, c'est ça. Et puis se nourrir de bonnes énergies. Pareil, je vois qu'il y a des gens qui partagent aussi le nombre de gens qui sont sauvés et pas que les gens qui meurent. Ouais, c'est ça. Et ouais, du coup, il faut voir le côté positif de la chose, je pense. Mmh. Et puis, si on peut apporter un petit peu de avec la musique. Je sais que nous, c'est un peu compliqué pour tous les artistes. D'ailleurs, ça va être dur, ouais. Les artistes, les intermittents, ce qu'on vit là, c'est aussi compliqué pour tout le monde, mais également pour l'art, puisque du coup tout est annulé, toutes les manifestations. Et moi, ouais, personnellement, tout est annulé jusqu'à le début de l'été, jusqu'à Nouvel Ordre, et du coup ça met tout le monde un petit peu dans la panade. Je sais qu'il n'y a pas que nous, hein, mais c'est une petite pensée à tous les artistes. Rodrigo, il y a France 3 qui nous regarde, et ça c'est France 3 région où j'habite, hein, à côté d'Orléans. Christelle Chapiotin qui est journaliste à France 3, voilà, qui veut te faire un petit coucou. Voilà, salut Christelle Chapiotin. Génial, ouais. Journaliste à France 3 région, voilà. Je vous laisse. Un bisou à France 3. Trop fan, j'adore, bravo, c'est ce que dit Séverine. Voilà. C'est un gentil, message pour merci. Séverine, Rodrigo. Ben écoute, Séverine, je prépare là en ce moment mon nouveau single. J'espère qu'on va pouvoir le sortir. Alors c'est quoi, je vais t'en parler justement. C'est quoi le nouveau single? Alors, ben écoute, moi je suis reparti un petit peu dans ce que je, que finalement, tu sais, avec les reprises, je me rends compte que les gens ils aiment beaucoup le côté mélodieux, ouais. les mélodies, peut-être un peu moins le côté urbain. Moi en fait, j'essaie de mélanger tout ce que j'aime en fait dans ma musique. Ouais. Et déjà j'ai une bachata qui va arriver qui est plutôt originale. Yeah. Qui est une reprise, mais du coup je vais sortir sur YouTube. Ouais. Et dès qu'il fait beau, on va faire une belle vidéo dans Paris avec des danseurs. Ah, ça va être beau. Comme toi. Tout le monde dit on me dit Rodrigo, quel beau gosse. Oh, ah, écoute. Moi je dis, si voyez mes cheveux pendant le confinement, elle a coupé. Si tu voyais les miens. Rodrigo S, en tout cas, coucou, bravo et courage à toi. C'est ce que dit France 3, Christelle Chapiotin, la journaliste. Voilà, un petit message. Ah ouais, c'est adorable. Et on t'écoute. Merci à Djerba, Turquie, Rodrigo Ace, toujours à fond. Ah bah voilà, tu vois. Voilà, Rodrigo Ace. Bonjour à tout le monde, Djerba, ouais. En Tunisie. En tout cas, Rodrigo, au plaisir de te recevoir au retour à la radio. Ben écoute, avec grand plaisir, dès que j'ai des nouveautés, hein, te vois. On les joue régulièrement sur Radio Arc-en-Ciel, radio à tendance latina, sur Orléans. Du coup, t'es chez toi en fait. Bah là, je suis chez moi, là, je suis dans... C'est énorme. Bah ouais, ouais. Et du coup, bah, on va écouter Baby I Love You Way, le cover, si tu veux bien. Hein. Eh ben écoute, avec plaisir. Merci Rodrigo, je t'en fasse très très bien. Fort. Ouais, moi aussi, bisous à tous les auditeurs et poil ça. Salut, force à toi, mon ami. Ciao. Merci. Allez, à Rodrigo Ace. Ciao, bye. Ciao, bye, la famille. Ah, j'adore ce mec. Ciao. Ooh, baby, te quiero a ti. Merci, Rodrigo. Yeah, yeah. Ooh, baby, te... Hey, il est sympa, Rodrigo, hein. En direct. Voici sa reprise, son cover. Sombras que se van volviendo así y se alargan frente de mí. El anochecer las cubrirá y se hará una sola. Oh no, ay no, dudes más, pues nuestro amor seguirá. Yeah, yeah, yeah. Baby, te quiero a ti, solo a ti. Rodrigo Ace. Solo a ti. Te quiero, siempre te quiero a ti. La luna que mirando nos está. Ça va la famille, salut Laurent. Vous voulez nous appeler, les numéros est là, hein. C'est énorme, Rodrigo Ace, au téléphone avec nous, c'est énorme. Alumbra tu destino junto a mi. Il assure le mec, hein, il a appelé depuis Paris. Il assure. No tardes más, oh no, ay no, no, tú te es más, la vida, pues nuestro amor seguirá, yeah, yeah, yeah. Baby, te quiero a ti, solo a ti, yeah, yeah. Amor, te digo, te quiero a ti, solo a ti, te quiero, siempre te quiero. Como no enamorarme de ti. Tú le das latidos a mi corazón. Él hace boom, boom, boom, boom, boom. Mira, baby, contigo quiero andar. Si mira, baby, contigo quiero amanecer. Y cada día quiero darte un beso. Puedo ver el sol en tu mirar. Dime tú si al fin vendrás, nubes de colores. Alors, elle est pas belle cette reprise. Mon pote qu'on vient d'avoir au téléphone, Rodrigo Ace, il nous a consacré 10 minutes en direct et ça fait vraiment plaisir. Il est à Paris en ce moment, il nous prépare un nouveau single. Une émission radio aujourd'hui spéciale, Rodrigo Ace. Et puis l'horoscope qui arrive pour vous. Alors, que va-t-il se passer avec le beau temps aujourd'hui jusqu'à 17 degrés? C'est ce que disait Stéphanie Bié tout à l'heure. Et bien, l'horoscope qui arrive. Allez! L'horoscope, c'est maintenant. Et l'horoscope, c'est maintenant. Et on démarre avec les béliers. Alors, les béliers, vous avez de la chance de rencontrer avec une personne influente qui vous aidera à évoluer. Les taureaux, vous aurez un peu de mal à réaliser que le bonheur que vous connaissez est bel et bien réel. Les gémeaux, c'est une journée un peu plus, un peu plan-plan pour vous qui vous attend. Ouais, tranquille, quoi. Les lions, votre sensibilité risque de vous rendre susceptible et vous attirer des ennuis. Les vierges, il faudra peut-être montrer les griffes face à un certain personne qui vous cherche aujourd'hui. Oh là là, attention, c'est chaud pour les vierges là. Hein. Les balances, l'opportunité que vous attendiez va enfin se présenter. Il vous faudra faire preuve de réactivité. Les scorpions, il y a du changement dans l'air dans votre vie affective pour votre plus grand plaisir. Les sagittaires, les rendez-vous professionnels, hein, en ce moment c'est un peu tendu, hein, que vous réussissez à obtenir vont vous mettre de bonne humeur. Les capricornes, grande forme physique aujourd'hui, faites du sport. Et justement Camillotti qui arrive à 12h15, ça va être du sport. Verseau, les cupidons va frapper, même si vous êtes réellement prêt à recevoir sa flèche en plein cœur. Oh l'amour, toujours l'amour. Et les poissons, il y aura de la source de stress en vous pour cette journée sous le soleil d'Orléans. Et voilà, sous le soleil d'Orléans, on vous souhaite une très très bonne journée avec Francky et Amir qui arrivent. Et ça fait du bien, un peu de tendresse dans ce monde de brut. Et puis Laureline, manucure qui va arriver à 12h15. Et à midi, c'est le sport en direct avec Camillotti qui va nous parler de sport à la maison pendant le confinement. Bienvenue chez Francky à la radio. Je veux des problèmes. Je veux que tes galères deviennent les miennes. Je veux que tu me balances au visage tes orages, tes peines pour des nuits diluviennes. Je veux qu'on s'apprenne. Je veux partager tes joies, tes migraines. Ton corps me donne le vertige et tes mains me mènent où rien ne nous gêne. Je pourrais me tatouer notre histoire sur le bras, me mettre dans de beaux draps si t'es avec moi. C'est toi dans ce monde fou, je le sais, c'est tout. Et je voudrais que ça dure longtemps. Émission obligée. Comme je l'avais dit, on coupe l'antenne dès que quelqu'un nous appelle. C'est Camillotti, le sportif. Bonjour Camille. Comment ça va? T'as vu, je te réveille avec autant d'énergie que toi, tu nous fais vivre du sport, Camillotti. Bon, comment ça va toi? Eh ben ça va, t'es en direct là, fais gaffe, hein, dis pas de conneries. Hein. Non, ça t'inquiète pas, j'écoute depuis tout à l'heure. Ouais, ça me fait plaisir, Camillotti, de t'avoir au téléphone. On avait fait un peu de sport à la radio ensemble il y a à peu près un an, je crois un peu plus d'un an, c'était énorme. Ouais. Surtout pour je moi, me, parce je que. Je me souviens très très bien de. Ouais. J'avais galéré hein, à cause de toi. Hein. Un peu. Ouais, un peu beaucoup même, un peu beaucoup. Mais non. Bon, Camille, comment se passe le confinement pour un grand sportif comme toi? Tu dois faire du sport tous les jours. Oui, je fais du sport tous les jours, mais comme tout le monde et comme tous les sportifs, je souffre un petit peu de manque de sport dans les salles et tout ça, donc ouais. Je sais que c'est compliqué pour tout le monde. Est-ce que ça te manque aujourd'hui, toi, de pas sortir, de pas aller voir de l'air et de prendre d'avoir les gens, de faire du sport avec eux, ça te manque? Ben c'est sûr que ça me manque, de pas voir mes adhérents, ça me manque de pas rigoler avec eux et c'est clair. C'est quelque chose qu'on n'a jamais vécu de notre vie, donc c'est assez inédit tout ça. Ouais. Et malheureux, mais ouais. Il faut faire avec. C'est il vrai. Faut espérer qu'on sorte de ça le plus tôt possible. Eh ouais, ça c'est ce que demande tout le monde, hein, pour tout le monde, pour tout. Déjà priorité à la santé, c'est important. Puis après, bah derrière tout le business qui va reprendre, qui va être compliqué à redémarrer, je pense. Hein, ça va être. C'est très compliqué. Ouais, moi ce qui m'inquiète, c'est que les gens au début vont avoir peur, je pense. Tu sais, quand on va être déconfiné entre guillemets, est-ce que les gens vont pas avoir peur de tout le monde, tu vois? Tu penses à ça? Ben, je crois bien, oui. Ouais, ça va être je ça. Je crois bien. Ouais, ça va être ça, ça va être ça. C'est ça. Camillotti, 3-4 minutes ensemble au téléphone. Toi, alors, grand sportif, hein, on le sait, on te suit sur les réseaux sociaux, notamment sur Facebook, moi. Si toi, aujourd'hui, pour des gens qui font du sport chez eux, qui ne sont pas habitués à faire du sport, tu aurais 2-3 conseils à leur donner? Mais déjà, on va dire que sur Orléans, on a beaucoup de chance parce que il y a beaucoup de coachs comme moi qui font des cours sur Facebook. Ouais. Donc ça, je tiens à leur dire bravo à tous ces coachs-là. Toi, tu fais des lives, on peut te suivre sur Camillotti, hein, c'est ça, hein. Alors moi je vais en faire la semaine prochaine, on va dire vendredi prochain. Ouais. Mais voilà, mais bien avant moi, effectivement, il y en a beaucoup qui l'ont fait et bravo eux. Ouais. Surtout qu'ils font ça gratuitement et je trouve ça très bon. Ouais. De leur part. Et moi pour ma part, et ben oui, effectivement, je fais des petites vidéos jusqu'à présent qui sont pas en live. Mmh. Mais vendredi prochain, j'en ferai un en live et on va bien rigoler, je pense. Ah bon, on va rigoler, oui et non, parce qu'on te connaît un peu de réputation. On sait que c'est assez puissant, mais bon, ça vaut le détour et ça vaut le coup parce que, résultat, quand tu rentres chez toi, tu dis, bah en fait, moi je me souviens, je me suis dit, bah en fait, ça fait du bien. Bah, je me suis toujours dit que si vraiment les choses les plus simples étaient faciles, ouais, et que tout le monde serait bien goulé, on va dire. Non, mais donc, je veux dire, il y en a plein qui vont à la salle de sport, ils mettent la serviette, ils font un peu de vélo, ils repartent, ils disent, bon, je suis en pleine forme. Mais quand on fait du sport avec toi, Camille, tu repartes chez toi, t'en peux plus. Moi, je suis reparti, j'étais mort. Mais il paraît que j'ai la réputation d'être un torsionnaire, mais bon, c'est pas grave. Mais bon, je l'assume. S'il y a des résultats, voilà, c'est le bien. T'as des résultats, t'as des retours positifs, Camille. Oui, bien sûr, tout à fait. Mais voilà, moi, je dis toujours, si tu souffres pas, tu vas pas avoir de résultats, c'est pas possible. Sinon, comme je te dis, tout le monde serait bien gaulé. Il n'y aurait pas besoin de faire de sport. Il y a Séverine qui dit coucou, Camille, c'est un bon coach. Voilà, un message de Séverine. Un petit coucou, je la connais. Ouais, elle est toujours France d'un certain club que je connais. Donc. Ouais, voilà. Elle te passe le bonjour, en tout cas, Séverine. Mais sinon, oui, on peut faire du sport à domicile. Il n'y a aucun souci. Alors, ça ne remplacera jamais les cours, ça ne remplacera jamais les machines. Ouais. Mais pendant ces un mois et demi qu'on passe chez nous, ouais, je pense qu'on peut faire beaucoup de sport. Il y a beaucoup d'exercices. Il faut juste avoir un petit peu d'imagination. Ouais. Ou d'aller faire un petit tour sur les Facebook de coachs, pas des faux coachs, on va dire, parce qu'il y en a beaucoup des trucs bizarres sur internet. Mais si vous allez bien voir sur les coachs qui sont certifiés, tout ça, ouais, vous verrez, il y a beaucoup de choses à faire et sans s'ennuyer. D'accord, il nous fait mourir, lol, c'est ce qu'on nous dit sur le réseau Facebook là. On verra ça vendredi prochain. On va parler, là on a parlé des gens qui font du sport assez régulièrement, qui font du sport continuellement chez eux, qui connaissent un peu les techniques. Et quelqu'un par exemple qui a jamais fait de sport, qui est chez lui, qui peut plus sortir malheureusement. Alors il a l'habitude de sortir pour marcher un peu, ça lui fait du bien parce qu'il y en a qui vont pas plus loin que la marche. Qu'est-ce qu'il peut faire chez lui le plus facile aujourd'hui pour quelqu'un qui fait rien, voilà. Ben, pour une personne qui veut débuter du sport, ouais, actuellement, voilà, c'est un petit peu compliqué, on va dire. Ouais, c'est pas forcément le meilleur moment. Non. Parce que justement, on sait pas trop si ces personnes-là ont des pathologies. Ouais, c'est ça aussi, ouais. Et oui, c'est ça le problème. Mm. Je sais pas trop quoi te dire là. Je pense qu'effectivement, il y a des vidéos qui sont très simples à suivre, ouais, des gestes de base. Ouais. Et après, si vraiment la personne a un désir vraiment à refaire du sport, et ben d'ici peu, j'espère qu'elle pourra aller dans une salle, ouais, faire du sport. Et ben voilà. Encadré. Ok, Camille. Bon, le rendez-vous, voilà, on le note. Alors, c'est vendredi prochain sur Camillotti, c'est ça? Ouais, et j'espère que peut-être pas ce prochain, mais la semaine d'après, peut-être pourquoi pas faire un petit live tous les toi et moi, même si on n'est pas à côté l'un de l'autre. Hein. Attends, bah, bien sûr, je vais le faire avec toi. Attends, tu me prends pour un. Ça serait pas mal, ça. Je sais que je vais en chier, mais ouais. Merci, Camillotti. Gros bisous à tout le monde. Et on t'embrasse très fort, mon ami. À très vite. Bon, aussi, bisous, bye bye. Salut. Vous aussi, l'autre côté de la radio. Venez nous appeler avant la manucure à 12h15 qui arrive. C'est Camille, pas Camille. Laureline, pardon. Oh, baby, on vous aime, la famille. Merci à Camillotti en direct. Allez, avant d'aller manger, on parle des manucures à 12h15. Porque você não me atendeu, já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, com tantas horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Antes de você eu era do mundão. Gratidão. Super Camille, merci mon ami. Mudou minha cabeça. Ah, c'est lui Camille, regardez là, sur Facebook. Camille aussi, vous tapez. Et allez voir le sport la semaine prochaine en live. Gosto mais. Salut Anne-Lise. Do que de mim, do que de mim. Bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim. Na minha rua. Porque você não me atendeu, já já tava mó preocupadão. O seu pivete quase morre do coração. Amor, já fiz o corre pra te ver. Juntei a grana da passagem, contando as horas pra gente matar a saudade. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Oh, bebê, gosto mais de você do que de mim, do que de mim. Ça c'est bon pour faire du sport, hein. Mais ouais, du sport tranquille, hein. Oh, bébé, heureux d'être avec vous. La météo pour aujourd'hui, bah, c'est pas mal, hein. La météo. La météo, bien, comme vous l'avez vu, comme le disait Stéphanie tout à l'heure, le ciel est dégagé, du soleil, encore du soleil. On va monter jusqu'à 17 degrés, ça c'est la très bonne nouvelle. Et pour demain, eh bien demain, on prend les mêmes, on recommence avec plus de température, 9 degrés au lever du jour. Et on dépassera les 20, 21 degrés. Dans moins de 7 minutes, on parle de manucure avec Laureline au téléphone avec nous. Elle fera un live à 14h. À vous la famille. Allô, qui va là, je te prie? Et voilà, c'est Laureline. Et voilà, on parle de manucure avec toi. Bonjour Laureline, comment tu vas bien? Ça va, Francky? Alors, à part Camille Yotti, le coach sportif, avoir eu Rodrigo Hayes, le chanteur, à Fabien Dumas, Stéphanie Biet, eh bien, toi, tu vas nous parler de manucure cet après-midi, c'est ça? Alors, moi, à 14h, je fais un direct pour vous parler de manucurie, pour apprendre à prendre soin de vous. Ouais. Et puis, au fur et à mesure, il y aura plusieurs directs sur... comment s'épiler pour pas devenir un yeti. Bah ouais, parce que en ce moment les filles elles doivent souffrir, non? Hein? Ah bah oui, hein. Ouais. Donc là, à 14h sur ton mur Facebook, tu t'appelles Laureline, c'est ça sur Facebook on dit. Laureline comment? Laureline Violo. Voilà. Donc tu mets un petit message là sur le direct, comme ça tu leur dis aux gens que c'est moi. Ça serait bien. D'accord. Tu leur mets un petit message et donc à 14h on va te retrouver pour vous les filles ou les mecs, hein. Il y a les hommes aussi. Après pour le vernis, ils font ce qu'ils veulent, hein. Ça peut être sympa s'ils en mettent. Ouais, voilà, c'est ça. Si les mecs mettent du vernis pour aller au, je sais pas, pour aller au soir, traîner. Non, faut pas traîner pour rester confiné. Non, on peut pas. Ouais. Alors, un conseil, toi, aujourd'hui, pour les poils, par exemple, les filles, les poils. Le premier conseil que t'aurais à l'idée, là, tout de suite. Ah, faut pas se laisser aller, faut continuer à s'entretenir. Ouais, faut les enlever, ouais. Ah, bah oui, faut les enlever, c'est mieux. Hein. C'est mieux que de raser, hein, parce que c'est comme quand on coupe la pelouse, hein. Ouais. Si on coupe la pelouse, après, bah, les petites graines, elles tombent sur le côté, et puis ça pousse encore plus, tandis que si on l'arrache, et bah, ça pousse moins. Ah ouais, carrément. Ok, alors. Ça reste une logique. Ok, et ben, on te retrouve à 14h sur ton mur Facebook, alors, pour un conseil manucure, ok? Ok, je vous embrasse tous. Merci, à 14h, hein, sur ton mur, n'oubliez pas, les filles. Salut, Laureline. Bisous tout le monde, ciao. Allez, Linda, qui arrive sur l'arc-en-ciel. Belle journée à vous. En direct, 15 minutes, avec du soca liente. Salut, Séverine. Salut, Isabelle. Salut, Laetitia. Tu és tot el que... Famille, rendez-vous bah, samedi prochain, ça sera une heure de radio tous les samedis, 11h midi, midi 15, et puis le prochain live c'est lundi à partir de 11h, passez un bon week-end sous le soleil, le nom c'est Rodrigo Ace, voilà Vanina, c'est ça, ouais, Vanina, Rodrigo Ace, A-C-E, voilà je le redonne, et les coiffeurs vous faites quoi? Bah ouais, les coiffeurs, vous m'appelez si vous voulez, on passera en live. Merci d'être là, passez un bon dimanche, un bon samedi, va faire beau, donc profitez du beau temps. Salut Virginie, bonne journée à vous avec des bons souvenirs, avec Vita qui arrive sur l'arc-en-ciel. Et rendez-vous lundi à 11h pour le live et tous les samedis, 11h midi, c'est le live à radio. Salut la famille avec des invités au téléphone. Comme on se couche, on se lève, regarde ce qu'ils nous ont fait. Ils veulent tirer sur nos rêves. Elles le font pour de vrai. Le mal ne connaît pas la grève. Le mal est dans les têtes. Les petits préparent la relève. Pendant qu'on cherche la paix. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. Pour faire semblant, le cœur s'éteint. Prenez toutes les mains. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Sauvez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Je cherche la paix. Je cherche la paix. Le choix c'est marche ou crève. On veut juste exister. Ils ont peur qu'on s'élève. Comme ça vous négligez. Et toutes nos séquelles. Que rien ne peut réparer. Dis-moi du temps quand c'est lequel. Qui dit la vérité. Ce monde n'a plus d'âme. Ce monde n'a plus d'âme. Rendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. Pour faire semblant, le cœur s'éteint. Prenez toutes les mains. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Rendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Je cherche la paix. Ils veulent nous contrôler. Ils veulent nous faire taire. Je cherche la paix. Tout miser pour toucher nos rêves. Je cherche la paix. Et qu'est-ce que ça peut faire si on veut quitter l'enfer? Tout miser pour toucher nos rêves. J'ai plus de temps. Sauvez-moi ici, je crève. J'ai plus de temps. Je veux déployer mes ailes. M'envoler. Je suis tellement seul, ça m'obsède. Je cherche la paix. Pour faire semblant, le cœur s'éteint. Prenez toutes les mains. Avant que la lumière s'éteigne. J'ai tout à donner. Rendez-moi un peu de rêve. J'ai plus de temps. Je cherche la paix. Chercher la paix. Le bonheur. Quitter l'enfer. Ici j'ai peur. Je cherche la paix. Le bonheur. Je cherche la paix, le bonheur, quitter l'enfer. Ici je perds, je cherche la paix, le bonheur. Prends ton café du matin avec bonne humeur. Francky au réveil. Eh ouais, Francky au réveil. Bah, j'espère que vous êtes levé déjà. En tout cas, je vous remercie. Je vous retrouve, je vous le disais, donc lundi matin à 11h, toute la semaine, 11h midi, pour un mix live. Et le samedi, une émission radio, rien que pour vous, de 11h à midi avec plein d'invités. Bah ouais, on a un coach sportif. On a eu Fabien Dumas, on a eu Stéphanie, on a eu Rodrigo Ace au téléphone, et ça c'est énorme. On a eu Laureline. Merci à tous, les zinzins, et rendez-vous lundi à 11h. Voilà, je vous aime très fort. Je vous fais un petit coucou, bougez pas. Hey, voilà. Bon, salut les zinzins. Je vous aime très fort. Passez un bon week-end, il va faire beau. Couvrez-vous, sortez couverts, hein. Restez chez vous. Ciao la famille.